Votre instant d'évasion. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Toute l'équipe vous souhaite de joyeuses fêtes. Joyeux Noël. La courte échelle a revêtu ses habits de fête pour vous présenter cette émission avec uniquement des chanteurs indépendants, évidemment, puisque c'est sa vocation, des chanteurs indépendants qui nous chantent Noël. Et l'émission commence tout de suite avec Nikita Mathieu Champagne, puisque pour elle, le temps des fêtes est commencé, ben oui. Allez, on reste au Canada avec le guitariste Johannes Listed et Tropical Christmas. Juste après, il y aura Fabiola Toupin et Dis-moi Noël et Terry Vallant avec Déclaration de Noël. Trees. You won't find snow, but there's plenty of sand. sandy beaches. So won't you come and sail away with me to an island in the sun, coconut gifts for everyone, 'cause I'm dreaming of a tropical Christmas. Don't bring much, just pack your sunny glasses, 'cause here you found the best things in life are free. Ticket and come along and join me. We'll celebrate beneath the mango tree. There's an island in the sun. Tell Santa to come along, 'cause I'm dreaming of a tropical Christmas. With the sand beneath my toes, no Jack Frost nipping at my nose. There's nothing I'd rather do. You know I'm feeling fine, I'm just living on island time, and only want to spend it with you. Yeah, man. Welcome to Linstead Island. Treat you right. Merry Christmas. I'm dreaming of a tropical Christmas, with swaying palms instead of Christmas trees. You won't find snow, but there's plenty of sandy beaches. So won't you come and sail away? La courte échelle. Dis-moi, Noël, pour toi c'est quoi? Raconte-moi une image à la fois. Les paroles d'un refrain que je fredonne, les décos du sapin, jolie couronne, et j'entends les grelots en avalanche sur les disques des artistes de mon enfance. C'est confond ce tricot qui m'enguirlande, les cadeaux toujours trop qui se répandent. Dis-moi, Noël, pour toi c'est quoi? La chaleur du foyer, toute une ambiance, les classiques à la télé, douces vacances, les épices sur l'écorce des oranges, la saison des festins, la part des anges. Il est tôt, il fait noir, je m'illumine, les cours d'eau au miroir, sous l'âme fine. Que déferlent les étoiles sur tous les toits, toboggan qui dévale, bravant le froid. C'est frisquet, confidence, mamie flanelle, doux secret confessé, j'aime Noël. raconte-moi une image. Dis-moi, Noël, pour toi, c'est quoi? Oui, raconte-moi Noël. Pour moi, c'est toi. Émotion d'un ventre rond, à l'abri, une nouvelle vie. Elle partage déjà notre joie. Oui, bientôt nous serons trois. Merveilleux moment joyeux, la famille est réunie. Dans l'amour et la bonne humeur, le bonheur, le sapin est illuminé, tous les cadeaux sont alignés, et que le temps s'arrête, que l'on prolonge la fête. Mon amour, veux-tu m'épouser? Un bel instant pour s'engager, une demande solennelle. C'est la nuit de Noël. Sur la page que l'on partage, imagine un mot sublime qui jaillit comme une étincelle. En cette nuit de Noël, envisage un doux message. La magie d'un simple oui. Gravé dans le creux d'un anneau, comme un sceau, le sapin est illuminé, tous les cadeaux sont alignés, et que le temps s'arrête, que l'on prolonge la fête. Mon amour, veux-tu m'épouser? Un bel instant pour s'engager, une demande solennelle. C'est la nuit de Noël. Sur la page que l'on partage, envisage un doux message. Je t'aime. Chaque semaine, découvrez dans La Courte Échelle le meilleur de la scène indépendante. Scène indépendante. Les artistes indépendants chantent également Noël et les fêtes de fin d'année. Voici par exemple Real Country Band avec Noël en présentiel, Dev Close avec Christmas Dream ou Marlene Day avec Grandpa Santa Claus. Comme par les années passées. ici. Sans plexi, plein d'amis et toute la parenté. Un grand verre de vin, le feu dans la cheminée. Se donner la main et pouvoir s'embrasser. Noël en présentiel, c'est mon souhait pour cette année. Sans couvre-visage et surtout bien collé. Je songe au Père Noël et ses présents, les yeux vers le ciel. Je rêve d'un Noël en présentiel. J'ai monté mon sapin à 2 mètres du divan. Masqué les rois mages dans la crèche en avant. Les lumières habillées de vert, jaune, orange et rouge scintillent dans la nuit. Pas une ombre qui bouge. J'ai emballé mon cadeau, un beau set de Lego. J'ai fait mes provisions de bonbons et de cotonnelles. J'ai lavé ma commande avec de l'eau de Javel. Sur ce vieil air de Noël, Noël en présentiel, comme par les années passées. Sans plexi, plein d'amis et toute la parenté. Je songe au Père Noël et ses présents, les yeux vers le ciel. Je rêve d'un Noël en présentiel. J'ai commandé un dinde en ligne sur Amazon. Je penserai pas l'avoir avant le mois d'avril. On appelait les rouges. Mes cours, puisqu'il n'y aura pas de party, une résolution de moins à enterrer. Au lieu des 12 travaux, ce sera Horatio en reprise à ciné cadeaux. Noël en présentiel, comme par les années passées. Sans plexi, plein d'amis et toute la parenté. Cheminée, se donner la main et pouvoir s'embrasser. Noël en présentiel, c'est mon souhait pour cette année. Sans couvre-visage et surtout bien collé. Je songe au Père Noël et ses présents, les yeux vers le ciel. Courte échelle. The lights have been put up, the snow's on the ground, the trees are all decorated. The tinsel is sparkling, the snowmen's abound, as the children roll to play. Christmas again, you can feel it in the air, and I know it will be with you. For the joy of the day has been with family and friends, but I want you to know you'll always be my Christmas dream. And you know that you'll always be forever my Christmas dream. Christmas tree. Now Rudolph and Prancer on the rooftops are gay, and the holly's above the door. And Santa is weaving and ringing his bell, so children are laughing and skating. Tinsel is sparkling and the snowmen abound, as the children on toboggans play, as they do. It's Christmas. Christmas again. You feel it in the air, and I know we'll be with you. For the spirit of the day is with family and friends, but I want you to know you'll always be my Christmas dream. And you know that you'll always be. Yes, you know that you'll always be forever my Christmas tree. Children. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Don't cancel Christmas, c'était David Austin. MC Roger, c'est un personnage humoristique créé par un artiste suisse qui s'appelle David Charles. Il nous présente son sapin de Noël. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Le rendez-vous des artistes indépendants. Des bonhommes, des bonhommes. Ouh, ouh, ouh, devant le sapin de Noël. La famille, les amis qu'on aime. Devant le sapin de Noël. En chantant, en dansant, on fait des poèmes. Et c'est le papa de Noël. Et c'est le papa de Noël. Et c'est le papa de Noël. Et c'est le papa de Noël. Des bougies, des cadeaux, des amis, l'apéro, des bisous, des bonbons, des biscuits, des gâteaux dans les yeux, des enfants, des étoiles qui scintillent dans nos cœurs. De la joie, du bonheur, c'est la vie devant le sapin de Noël. La famille, les amis qu'on aime. Sapin de Noël. En chantant, en dansant, on fait des poèmes. Tant de moments privilégiés, des cadeaux à se partager. C'est la magie de Noël qui nous entraîne vers l'envie d'aimer. Tous unis dans nos différences, chacun replonge dans son enfance. Une pensée pour ceux qu'on aime et avec qui l'on aimerait chanter. On fait des poèmes, mais c'est le papa de Noël, et c'est le papa de Noël, et c'est le papa. c'est le papa, le papa de Noël. Tant de moments privilégiés, des cadeaux à se partager. C'est la magie de Noël qui nous entraîne vers l'envie d'aimer. Tous unis dans nos différences, chacun replonge dans son enfance. Une pensée pour ceux qu'on aime et avec qui l'on aimerait chanter. La famille, les amis qu'on aime, devant le sapin de Noël, on chante, on danse, on s'aime. Whenever I dream of a white Christmas Blues, c'était Heywood Gregory. Jack Sevenport et Ed Frankie sont là avec Crazy Christmas et Love, Love, Love dans cette courte échelle spéciale Noël. Every song, every way, we all together, together. of joy. So leave the hate now. Look for the peace and you will see. Greece, Christmas and love, love, love. Cause we wanna feel it. Uh-huh. Crazy Christmas and love, love, love. We're giving it all. Yeah, yeah, yeah. In the city, we throw out the cross. Oh, no! We could shout it out loud. We need some lights and a big Christmas tree. We still need a gift for mommy, you see. We're getting dizzy, but we can't stop. We gotta clean and we gotta shop. A gift for you, we're searching the town. All the time is spinning round and round. The time is passing. There's so much to know, so much to do. It may cause crazy. But all the love we got is through. Crazy Christmas and love, love, love. Cause we wanna feel it. Uh-huh. Crazy Christmas and love, love, love. We're giving it all. Yeah, yeah, yeah. Love, love, love. Cause we wanna feel it. Uh-huh. Crazy Christmas and love, love, love. Cause we want it all. People hurry to and fro, the faces rushing past. You stop the hype and let it go. Just let it go and let it pass. Crazy Christmas and love, crazy Christmas, love, love. Crazy Christmas, wanna feel it. You wanna feel it. Uh-huh. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Crazy Christmas, love, love. Crazy we'll Christmas, give it all. Yeah. Joan Nablon nous emmène à visiter le royaume du bonhomme hiver et ensuite Michel Monaco nous parlera du Noël des amoureux. Il y aura également Tony Clark avec Christmas Time et Guy Brière qui, bien sûr, c'est une chanson à prendre au second degré à I Noël. La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Thank you. sourit sur ma place, son chapeau, sa canne et son foulard. Il semble dire d'un ton menace, ne voyez-vous pas qu'il est tard? Écoutez les clochettes du joyeux temps des fêtes, annonçant la joie de chaque air qui va au royaume du bonhomme hiver. Sous la neige qui tombe, le traîneau vagabonde, semant tout autour une chanson d'amour au royaume du bonhomme hiver. Du bonhomme hiver, au royaume du bonhomme hiver. Joyeux Noël à tous! D'un dîner aux chandelles ou d'un grand feu de cheminée, au cœur de la nuit la plus belle, le grand amour s'est invité. Je t'offre des fleurs, des bijoux qui font monter le roseau jaune, au puis l'on s'envole comme des anges dont les sentiments se mélangent. C'est le Noël des amoureux, Noël les yeux au fond des yeux, sur fond de neige et de ciel bleu, encore plus doux quand on est deux. Le rendez-vous des romantiques se change en rêve et en musique, il est magique et merveilleux. Oh, c'est le Noël des amoureux. Le vent à travers la fenêtre fait danser les branches du sapin, et le vrai bonheur vient de naître à l'aube de ce nouveau matin. Plus de passion, mille promesses, et mon regard qui te caresse, se réveillons tendresse, tous les amoureux le connaissent. C'est le Noël des amoureux, Noël les yeux au fond des yeux, sur fond de neige et de ciel bleu, encore plus doux quand on est deux. Le rendez-vous des romantiques se change en rêve et en musique, il est magique et merveilleux. Oh, c'est le Noël des amoureux. C'est le Noël des amoureux, Noël les yeux au fond des yeux, sur fond de de ciel bleu, encore plus doux quand on est deux. Le rendez-vous des romantiques se change en rêve et en musique, il est magique et merveilleux. C'est le Noël des amoureux, il est magique et merveilleux. Oh, c'est le Noël des amoureux. La courte échelle. We got the tree, the fire, the table's full. We got our love, desire, it's all for you, and everything's just fine. You know it's Christmas time, feel so good. Oh, Santa, sing this song with me tonight. Oh, Santa, sing this song with me tonight. it's Christmas time. Oh, Santa, sing this song with me. We got the bells, the chimes, and all that rhymes. Our faith, our love, and all above, and everything's just fine. You know it's Christmas time. We feel so good. Oh, Santa, sing this song with me tonight. Oh, Santa, sing this song with me. Oh, Santa, sing this song, it's Christmas time. Oh, Santa, sing this song with me. It's all for you. We've got our love to share. We made it through, and everything's just fine. You know it's Christmas time, and I feel so good. Oh, Santa, sing this song with me tonight. Oh, Santa, sing this song with me. It's Christmas time. Oh, Santa, sing this song with me. Oh, Santa, sing this song with me. Joyeux Noël! Halloween est fini, les petits monstres sont rentrés, les sacs remplis de bonbons sucrés, les magasins frémis et décorent leur entrée pour attirer les familles et les faire dépenser. Et jaillit Noël, et jaillit Jaïnaël, et ses bonheurs préfabriqués. Les lutins sont revenus faire leur folie. Ils saccagent la maison, et je suis plus capable de leur niaiserie. Les enfants qui chantent, petit papa Noël, ça me donne mal au ventre et saigner les oreilles. Et jaillit Noël, et jaillit Noël, et jaillit Noël, et jaillit Noël, et ses valeurs oubliées. Les commerces font du cash, vive les cartes de crédit, il faut que ça flash. Les voisins sont partis, ils illuminent leur maison, du plancher au plafond, sans oublier le cabanon et les petits reins sur le perron. C'est la course folle, comme à chaque année. Un souper après l'autre, mon foie est épuisé. On appelle ça un congé, les vacances des fêtes. C'est-tu normal qu'en janvier, que j'ai encore mon air belle. La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Tokyo Rose avec Christmas Countdown. Nous allons terminer cette émission spéciale Noël avec Secret Treat House et Christmas Star. As if it knew that Et voilà, c'est tout pour cette émission spéciale Noël de La Courte Échelle. Tous ces artistes indépendants qui ont chanté pour vous aujourd'hui étaient issus, bien sûr, de la scène indépendante internationale. On se retrouve très bientôt pour La Courte Échelle. Passez de très bonnes fêtes de fin d'année et soyez heureux. De joyeuses fêtes. Joyeux Noël. Votre instant d'évasion. La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants.